Bonsoir. Il nous fait plaisir de vous accueillir ce soir pour notre première conférence par web diffusion en français au nom de la Société de leucémie lymphome du Canada. Je me présente, je suis Carole Murphy, directrice des services aux patients du chapitre de Montréal, région de Québec. Avant de vous présenter notre conférencier invité ce soir, il est nécessaire de prendre quelques instants afin de vous transmettre certaines informations en lien avec l'événement. Premièrement, une période de questions suivra la conférence du Dr Larouche. Toute question doit être tapée dans le carré ainsi désigné qui se trouve à droite au bas de votre écran. Gardez en tête qu'il est possible que nous recevions plusieurs questions similaires. Dans ce cas, une question sera formulée et adressée au Dr Larouche. Il est important de ne pas oublier de remplir le questionnaire des services aux patients. Ces réponses seront instrumentales au développement des services aux patients futurs. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le Dr Jean-François Larouche, hématologue oncologue au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, l'Enfant Jésus. Parmi ses formations postdoctorales de 2007 à 2008, une formation complémentaire sur le lymphome à l'Hospice civil de Lyon, en France. De 2006 à 2000, en oncologie médicale, en hématologie et en médecine interne à la Faculté de médecine de l'Université de Laval à Québec. Dr Larouche est récipiendaire du prix Charles Frost. Dr Larouche a publié en 2008 au chapitre Non-Hodgkin Lymphomas du Textbook of Medical Oncology, 4e édition. Dr Larouche a participé à plusieurs présentations dans le domaine de l'hématologie. Maintenant, voici Dr Jean-François Larouche. Je vous remercie, Mme Murphy. Il me fait plaisir de participer à cette première web diffusion en français. La conférence d'aujourd'hui a été intitulée « Congrès de l'Association américaine d'hématologie 2008, nouvelles perspectives et découvertes récentes ». Comme plusieurs d'entre vous le savez, la médecine est en constante évolution et l'hématologie est probablement la discipline qui évolue le plus rapidement. Chaque année, les découvertes les plus récentes et les plus percutantes sont présentées au congrès de l'Association américaine d'hématologie. En décembre 2008 dernier, San Francisco a accueilli le 50e congrès de l'AASH, quand même 50 ans, et puis on a vu toute l'évolution de l'hématologie durant cette période. Dans le cadre de la présentation actuelle, je vais montrer les découvertes les plus intéressantes en ce qui a trait à la leucémie lymphoïde chronique, au lymphome à la fois hodgkinien et non-hodgkinien, au myélome multiple et à la leucémie myéloïde chronique. Malheureusement, le temps alloué ne permettait pas de discuter de toutes les pathologies hématologiques, toutes les maladies hématologiques, mais si des gens ont des questions par rapport à ces maladies, n'hésitez pas à poser des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Tout d'abord, parlons de la leucémie lymphoïde chronique. Premièrement, la leucémie lymphoïde chronique est un cancer, une néoplasie, qui touche une cellule du sang qu'on appelle les lymphocytes B. Les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique présentent une augmentation des globules blancs et spécifiquement des cellules qu'on appelle les lymphocytes. Parfois, il peut y avoir associé une augmentation du volume des ganglions, de la rate. Parfois aussi, on peut être atteint d'anémie et de thrombopénie. Thrombopénie signifie une diminution des plaquettes. Et les gens atteints de leucémie lymphoïde chronique sont aussi plus à risque de présenter des infections. Maintenant, les prochaines diapositives vont parler d'un médicament qui a été étudié dans la leucémie lymphoïde chronique récemment. Il s'agit du rituximab. Le rituximab, c'est une protéine, un anticorps monoclonal qu'on appelle dirigé spécifiquement contre une protéine qu'on appelle la protéine CD20. La protéine CD20 est habituellement exprimée ou présente à la surface des lymphocytes B normaux, mais qui peut être présente dans un grand nombre de cancers qui touchent les lymphocytes B, ou qu'on appelle les lymphomes. Le rituximab a démontré son efficacité dans la majorité des lymphomes connus. Toutefois, la leucémie lymphoïde chronique est une maladie des lymphocytes qui expriment faiblement le CD20, donc qui expriment faiblement cette protéine. Et jusqu'à tout récemment, l'efficacité du rituximab était incertaine. Alors, un groupe allemand dirigé par le docteur Alec a présenté une étude auquel on ajoutait à une chimiothérapie standard la fludarabine et les cyclophosphamides du rituximab. Cette étude, qui est appelée la CLL-8, a regroupé plus de 800 patients en Allemagne, pour laquelle la moitié des patients ont reçu une chimiothérapie dite standard, qui était composée de fludarabine et de cyclophosphamide, et l'autre groupe avait le même régime de chimiothérapie auquel était ajouté du rituximab. Les patients ont reçu ce traitement à 6 reprises à intervalle de 3 semaines. Les patients qui ont reçu le traitement avec rituximab ont obtenu de meilleurs résultats. Premièrement, un plus grand nombre de patients ont eu une réponse complète. On entend par réponse complète disparition de tout signe de la maladie. Donc, les réponses complètes étaient de 50% avec le rituximab, comparativement à 30% sans rituximab. Ces chiffres sont excellents si on regarde en général ce type de maladie. On remarque aussi que 92% des patients ont répondu que ce soit de façon partielle ou complète au traitement lorsqu'il y avait le rituximab, ce qui est encore là excellent. Maintenant, ce graphique montre la survie sans progression. La survie sans progression signifie le temps que les patients ont sans évidence de progression de la maladie. Donc, en moyenne, les patients sans rituximab ont eu un peu moins de 3 ans de période de rémission, donc sans évolution de la maladie, alors que les patients qui ont reçu du rituximab ont eu une période de rémission d'environ 1 an plus longue. L'étude, avec les données actuelles, avec le suivi actuel, n'a pas réussi à démontrer toutefois que les gens qui recevaient du rituximab vivaient plus longtemps. Il est possible, par contre, qu'à long terme, avec un suivi plus long, on trouve une différence entre les deux groupes. Pour ce qui est maintenant des effets indésirables reliés au traitement, les chercheurs ont noté qu'il y avait une plus grande toxicité hématologique chez les patients ayant reçu le traitement de chimiothérapie FCR, fludarabine, cyclophosphamide, rituximab. On entend par toxicité hématologique un plus grand pourcentage de patients ayant souffert d'anémie, de thrombopénie ou de neutropénie. Toutefois, l'incidence de complications reliées à des infections était la même dans les deux groupes. Ainsi, cette étude très importante confirme que l'ajout de rituximab à une chimiothérapie chez les patients souffrant de leucémie lymphoïde chronique améliore l'évolution de ces patients. C'est une étude très importante et une grande étude, car maintenant, elle fait que les patients qui souffrent de leucémie lymphoïde chronique devraient recevoir du rituximab lors de leur première ligne de traitement, mais ceci en combinaison, bien entendu, avec de la chimiothérapie. Maintenant, passons au myélome multiple. Le myélome multiple est également une néoplasie ou un cancer, cette fois des plasmocytes. Les plasmocytes, en fait, sont une forme de lymphocyte B, mais qui sont rendus à un stade de développement plus avancé. Un patient souffrant de myélome multiple peut présenter les problèmes suivants, entre autres anémie, insuffisance rénale, lésion osseuse, élévation du calcium et infection. L'étude suivante, présentée par un groupe français dirigé par le docteur Jean-Luc Arousseau, est également une étude de première ligne, c'est-à-dire un traitement initial chez les patients souffrant de myélome multiple. Les patients inclus dans cette étude étaient tous des patients jeunes qui étaient éligibles à l'autogreffe. On entend patients jeunes, des patients avec un âge inférieur à 65 ans. Le groupe du docteur Arousseau, professeur Arousseau, était divisé en deux groupes. Le premier groupe recevait un traitement standard à l'époque qui est composé d'une chimiothérapie vincristine, adriamycine et dexamétasone. Ce traitement à l'époque était à la fois standard en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe à l'étude ont reçu quant à eux une chimiothérapie de type Velcade associée à de la dexamétasone. Le Velcade est un médicament nouveau dans le traitement du myélome multiple depuis les dernières années et qui est en fait un médicament qui agit un peu différemment des chimiothérapies standards. Environ 400 patients ont été inclus dans cette étude et les patients qui ont reçu le traitement de type Velcade dexamethasone ont encore là eu de résultats supérieurs. On note qu'un plus grand nombre de patients ont eu des réponses complètes ou presque complètes, passant de 15 à 7 ce qui est très bon dans le myélome multiple si on compare au traitement antérieur. On note que 82 % des patients traités par Velcade dexamethasone ont eu une réponse au moins partielle. Les patients qui ont été traités dans l'étude ont tous reçu une autogreffe de moelle osseuse suivant ce traitement d'induction ou ce traitement de première ligne. Et on dénote que malgré qu'il y a eu des traitements subséquents, un plus grand nombre de patients ont répondu de façon complète ou presque complète au traitement Velcade dexamethasone. En effet, 20 % des patients environ ont eu une réponse complète ou presque complète à la chimiothérapie VAD et 40 % avec le Velcade dexamethasone. Lorsqu'on regarde le même graphique que tout à l'heure, on note que les patients traités avec Velcade dexamethasone ont une meilleure survie sans progression à 2 ans que les patients traités avec la chimiothérapie de type VAD. Il y a environ une différence de 9 %. Encore là, le suivi étant relativement court jusqu'à maintenant, les chercheurs n'ont pas su mettre en évidence de différence au niveau de la survie. Il est possible que cette différence soit significative avec un suivi plus long de cette étude. Maintenant, en ce qui a trait aux effets indésirables, le pourcentage de patients ayant cessé le traitement, que ce soit VAD ou Velcade dexamethasone, ont été relativement similaires. On note toutefois qu'il y a eu une moins grande toxicité hématologique avec les patients traités avec Velcade dexamethasone. Le Velcade est un médicament qui a comme caractéristique de donner des neuropathies périphériques, c'est-à-dire des engourdissements dans les mains et dans les pieds. Un médicament aussi dans la chimiothérapie VAD, le V pour vincristine, a également cette propriété. On a remarqué dans l'étude que les patients traités avec la combinaison Velcade dexamethasone ont présenté moins de neuropathies périphériques que les patients traités avec une chimiothérapie de type VAD. Ceci est à l'avantage des patients car ces effets secondaires peuvent être inconfortables. Cette étude, dirigée par le professeur Jean-Luc Arousseau, a établi la combinaison Velcade dexamethasone comme étant supérieure au traitement VAD chez les patients éligibles à une autogreffe. Maintenant, passons quelques instants sur les lymphomes à la fois hodgkiniens et non-hodgkiniens. Tout d'abord, pour résumer, les lymphomes sont en fait des néoplasies ou cancers qui touchent les lymphocytes ou les ganglions. Il y a 2 grandes familles de lymphomes, les lymphomes de Hodgkin et les non-Hodgkiniens. En général, les patients atteints de ce type de maladie ont des ganglions qui sont augmentés de volume et peuvent présenter de la fatigue, de la température, des sudations nocturnes ou une perte de poids. La prochaine étude, une étude britannique du Dr. John Radford, c'est une étude qui touche les patients avec un lymphome de Hodgkin. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que le lymphome de Hodgkin est un lymphome qu'on guérit chez un grand nombre de patients avec une combinaison en général de chimio de radiothérapie lorsqu'il est localisé. Dans les années 2000, nous craignons beaucoup les effets secondaires de la radiothérapie et des complications qu'elle peut entraîner. Ainsi, l'étude du Dr. Radford, l'étude RAPID, s'adresse à des patients avec le lymphome de Hodgkin localisé, pour lequel, après 3 cycles de chimiothérapie, un PET scan est effectué et les patients avec un PET scan négatif sont divisés en 2 groupes que je vais élaborer dans la diapositive suivante. Le PET scan est un examen d'imagerie en médecine nucléaire qui permet de visualiser de façon relativement sensible toute trace de cellules, toute trace de masse néoplasique lymphomateuse. Voici un schéma qui résume l'étude RAPID. Vous voyez que les patients ont tous reçu 3 cycles d'ABVD qu'ils ont eu un PET scan. Ceux ayant un PET scan positif ont reçu un 4e cycle de chimiothérapie ABVD suivi de radiothérapie. L'étude s'adresse plutôt aux patients qui ont eu un PET scan négatif. La moitié des patients n'ont pas eu d'autres chimiothérapies et ont été observés, et l'autre moitié ont reçu de la radiothérapie à champ limité. L'objectif de l'étude était de voir une différence entre ces deux groupes de patients en espérant pouvoir éliminer un jour la radiothérapie chez les patients avec le lymphome de Hodgkin localisé. Il s'agit d'une étude qui n'est pas encore complétée pour laquelle nous avons un suivi d'un peu plus d'un an. 255 patients avec PET scan négatif ont été randomisés entre radiothérapie et observation. Les résultats que nous avons disponibles jusqu'à maintenant montrent que 96% des patients n'ont présenté aucune rechute et que 98,5% des patients sont toujours en vie au suivi mentionné. Ces résultats sont très bons, mais évidemment, le suivi est encore trop court pour tirer des conclusions, mais vous voyez que c'est déjà très intéressant. Les patients qui avaient un PET scan positif, 20%, nous n'avons pas encore donné relativement à ce groupe. La conclusion de l'étude rapide est que la radiothérapie pourra être remise chez les patients avec Hodgkin localisé et PET scan négatif après 3 cycles de chimiothérapie ABVD. Toutefois, ces résultats sont à confirmer avec un suivi plus long et d'autres études. Car actuellement, dans la communauté médicale, ceci n'est pas encore devenu le traitement standard. Il est possible que dans les prochaines années, ceci change et qu'un PET scan négatif rendra non nécessaire la poursuite du traitement par radiothérapie. Maintenant, passons quelques instants sur les lymphomes non-Hodgkiniens. Malheureusement, il n'y a pas de données très importantes dans les lymphomes non-Hodgkiniens cette année qui modifient le traitement des patients actuellement atteints de cette maladie. Toutefois, de nombreux médicaments actuellement encore en étude clinique sont prometteurs. Un médicament qui a été présenté dans la session la plus importante du congrès est le fostamatinib, qui est un nouveau médicament qui a démontré une certaine activité chez les patients avec une rechute de lymphome diffus à grande cellule B et aussi des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Toutefois, les données relatives à cette molécule sont encore à un stade très précoce et il faudra attendre plusieurs années avant que ce médicament, si cela se produit, puisse être disponible au quotidien. Toutefois, peut-être que certains d'entre vous seront amenés à participer à une étude avec ce médicament. Pour ce qui a trait aux autres lymphomes, le professeur Gilles Salles, un professeur français de Lyon, a présenté le GA101, qui est un nouvel anticorps monoclonal analogue au rituximab et qui démontre des résultats très prometteurs. Également, le lénalidomide est un médicament actuellement utilisé dans le myélome multiple, a été présenté dans plusieurs syndromes lymphoprolifératifs, plusieurs types de lymphomes, et a démontré aussi son efficacité. Finalement, deux médicaments qui sont à un stade un peu plus avancé, le pralatrexate et la romidepsine, pourraient être des molécules intéressantes chez les gens avec rechute de lymphome T périphérique et de lymphome T cutané. Toutefois, ces médicaments ne sont pas encore disponibles au quotidien, mais les études cliniques sont tout de même avancées. Maintenant, parlons de la leucémie myéloïde chronique. La leucémie myéloïde chronique est une néoplasie ou cancer des globules blancs, mais d'une lignée différente des lymphocytes. Celle-ci touche plutôt la lignée myéloïde, qui est la deuxième grande lignée des globules, qui est une des deux grandes lignées des globules blancs. Cette maladie est associée à une anomalie génétique acquise, donc il ne s'agit pas d'une néoplasie héréditaire. Elle est associée au chromosome de Philadelphie. Ceci se traduit par un réarrangement au niveau moléculaire spécifique appelé BCR-ABL. Les patients souffrant de leucémie myéloïde chronique plutôt se présentent avec une augmentation des globules blancs et aussi augmentation du volume de la rate. Sans traitement, ces patients présentent une évolution en leucémie aiguë dans les années subséquentes s'ils ne sont pas traités. Une étude déjà présentée dans le passé, l'étude IRIS, avait établi l'imatinib comme un choix de première ligne chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Il s'agit en effet d'un des exemples frappant de l'efficacité et de l'évolution de la médecine des années 2000. Ce médicament a révolutionné la vie des patients atteints de leucémie myéloïde chronique qui ne présentaient aucun traitement efficace outre la greffe de moelle osseuse. Nous avons maintenant des résultats à 7 ans de l'efficacité de ce médicament. Comme mentionné, l'étude IRIS avait démontré que l'imatinib avait un grand succès et fait de ce traitement le standard dans la leucémie myéloïde chronique. Plus de 1000 patients avaient été inclus initialement dans l'étude, la moitié traitée par imatinib et un autre groupe traité avec de l'interféron avait associé à une chimiothérapie, l'ARAC. Avec un suivi de 7 ans, la moitié des patients sont toujours dans l'étude. 555 patients ont été analysés dans l'étude actuelle. La moitié de ces patients recevaient initialement de l'imatinib, mais l'autre moitié avait été initialement traitée par interféron ARAC. Mais devant le grand succès de l'imatinib, les patients traités avec interféron ARAC avaient reçu comme traitement l'imatinib par la suite. Chez les patients qui avaient été traités avec l'imatinib, 86% des patients sont toujours en vie à 7 ans et 94% si on considère uniquement les patients qui sont décédés reliés à leur maladie. En fait, ces résultats sont impressionnants pour un groupe de patients qui ne représenteraient pas de maladie. Avec un suivi à 7 ans, nous aurions pu nous attendre à des survies similaires. Et je vous rappelle que ces patients sans traitement auraient tous eu une leucémie aiguë dans les années subséquentes. Maintenant, il y a plusieurs façons d'évaluer la réponse au traitement chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Un des critères de réponse est la réponse cytogénétique complète. En fait, il s'agit d'un examen où, après analyse des chromosomes, on détecte qu'il n'y a plus présence du chromosome de Philadelphie. Lorsque les patients ont atteint une rémission cytogénétique complète, un très faible pourcentage de patients ont progressé de leur maladie ou en sont décédés. En effet, uniquement 3% des patients qui ont eu une réponse cytogénétique complète ont développé une phase accélérée, qui est la phase de transition vers la leucémie aiguë, et 2% uniquement sont décédés de leur maladie hématologique. Des données supplémentaires ont montré que la réponse moléculaire augmente dans le temps. Qu'est-ce que la réponse moléculaire? Il s'agit d'un test encore plus précis pour déterminer la réponse des patients à l'imatinib. En fait, on ne détecte pas uniquement la présence des chromosomes, mais on va spécifiquement regarder les gènes, le gène du BCR-ABL dans le sang des malades. On note qu'un patient, un patient avec une réponse moléculaire majeure est une réponse encore plus importante qu'une réponse cytogénétique complète. On note qu'avec le temps, des patients qui n'ont pas obtenu de réponse moléculaire majeure à 6 ou 12 mois peuvent toujours l'obtenir dans les années subséquentes. Ceci est un élément important et qui permet aux patients qui ont une réponse intéressante mais non optimale de poursuivre le traitement et qu'il y aura espoir que le traitement soit de plus en plus efficace. Ces résultats confirment l'efficacité impressionnante de l'imatinib dans la leucémie myéloïde chronique en phase chronique et montrent que cette efficacité est soutenue dans le temps. Maintenant, de nouvelles molécules analogues à l'imatinib ont été développées. Celles-ci ont démontré une efficacité chez les patients qui ne toléraient pas l'imatinib ou pour laquelle leur maladie progressait malgré l'imatinib. Ces deux médicaments s'appellent le dasatinib et le nilotinib. Des études relatives à ces deux molécules ont été présentées à l'ASH. Nous allons uniquement aborder le nilotinib, mais des résultats semblables sont disponibles avec le dasatinib. Voici une étude italienne du groupe Genema qui est étudiée de phase 2, c'est-à-dire que tous les patients ont été traités avec la molécule. Il n'y a pas de patients qui ont été traités avec d'autres traitements. Le nilotinib est un inhibiteur de tyrosine kinase qui est plus puissant in vitro que l'imatinib. En fait, il s'agit du même mécanisme d'action que l'imatinib, et en laboratoire, il semble beaucoup plus puissant. Dans cette étude, 73 patients atteints de leucémie myéloïde chronique en phase chronique qui n'ont jamais été traités ont tous reçu du nilotinib à une dose de 400 mg par voie orale deux fois par jour. Le diagramme suivant montre le taux de réponse cytogénétique complète. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans l'étude IRIS de la réponse cytogénétique complète et que la majorité des patients qui obtenaient ce type de réponse n'avaient pas de progression de leur maladie à 7 ans. On note qu'à 3 mois, 78% des patients ont eu une réponse cytogénétique complète et 96% à 6 mois. Ce taux de réponse cytogénétique est vraiment très intéressant, voire exceptionnel. Aussi, on note que les patients peuvent atteindre un taux de réponse moléculaire majeur important à 6 mois. On note qu'à 3 mois, il y a 53% des patients qui ont une réponse moléculaire majeure et qu'à 6 mois, ils sont 66%. On sait que les patients qui ont une réponse de cet ordre ont une évolution habituellement favorable. Ces résultats du nilotinib sont très prometteurs. Toutefois, nous ignorons si ces résultats sont supérieurs qu'à l'imatinib. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, des données similaires ont été documentées avec une autre molécule, le dasatinib. Et actuellement, il est encore trop tôt pour affirmer que l'une ou l'autre de ces molécules soit maintenant le standard en première ligne, mais il est clair que si des patients venaient à ne pas tolérer l'imatinib ou progressaient, ces molécules sont toutes indiquées. Ces études cliniques sont à poursuivre et sans doute de nouvelles permettront d'établir la place de ces médicaments en première ligne. L'âge de minute a encore permis de mettre en perspective de nouvelles découvertes et de nouvelles perspectives. L'année 2009 semble déjà encore plus prometteuse. Un élément important, c'est que le soutien à la recherche permet à chaque année d'innover et d'améliorer le traitement des patients avec néoplasie hématologique. Nous espérons que l'année 2009 sera encore meilleure. Il m'a fait plaisir de vous présenter ces données les plus récentes dans le domaine de l'hématologie et j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si certains d'entre vous avaient des interrogations supplémentaires, il sera plaisir d'y répondre. J'aimerais remercier tous ceux qui ont assisté via Internet à cette présentation. J'aimerais également remercier Mme Carole Murphy de la Société de leucémie lymphome du Canada de m'avoir permis de présenter sur le congrès de l'ASH 2008. Et j'aimerais également remercier Mme Lise Boisvert et Claire Nadeau qui travaillent toutes deux au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec. Et je vous remercie encore. Merci, Dr. Larouche. Maintenant, nous sommes disponibles pour vos questions. Alors, nous allons patienter des gens. Si vous voulez écrire vos questions dans le carré attitré à cette page. Je tiens à vous rappeler que cette présentation demeure disponible tout au long de l'année. Alors, si vous avez besoin de réécouter cette présentation afin de mieux comprendre certains aspects, ou par la suite, si jamais vous désirez poser des questions, vous pourrez toujours les acheminer et je pourrai les acheminer à Dr. Larouche via le courriel. C'était juste en attendant que les gens posent des questions. Il faut mentionner que je n'ai pas abordé le sujet des leucémies myéloïdes aiguës. Pour ceux qui se posent des questions à ce sujet, il n'y a pas eu de découvertes qui ont amené à changer le traitement de première ligne de chimiothérapie habituelle dans ce type de maladie qui est assez universel et standard à travers le monde. Toutefois, les découvertes les plus récentes sont surtout à identifier les patients qui vont avoir une évolution défavorable, c'est-à-dire identifier les patients qui, avec le traitement de chimiothérapie standard, vont présenter des rechutes et décéder éventuellement de leur maladie. De nouveaux facteurs pronostiques ont été présentés et ces patients devraient possiblement recevoir une allogreffe de moelle osseuse. Toutefois, il n'y a pas encore de données qui changent le traitement standard et la conduite qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, nous n'avons pas de questions pour ce soir. Alors, on va terminer notre conférence. Et comme je vous dis, si par la suite, vous réécoutez la conférence ou ça suscite chez vous des questions, vous pourrez toujours me les acheminer par courriel. Alors, le courriel, c'est carole.murphy@commercialls.org. Et je me ferai un grand plaisir de les acheminer directement à Dr. Larouche. Donc, je vous remercie pour votre attention ce soir. Il nous fait plaisir et dans le futur, nous vous ferons part des prochaines conférences. Merci beaucoup.